Document 3, page 22. Alors, la rencontre avec les patrons, comment ça s'est passé? Mal. Ils veulent fermer l'usine. Mais ils savent qu'on est d'accord pour travailler plus. Oui, ils le savent. Mais ils disent que l'usine n'est pas assez rentable. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils ont oublié qu'on n'a pas demandé d'augmentation pendant 3 ans. Ça oui, ils l'ont oublié. Ils veulent gagner plus d'argent. Rien d'autre ne les intéresse. Ils vont licencier tous les ouvriers? Sûrement. S'ils ferment les usines, il y aura 500 chômeurs de plus dans la région. C'est pas possible. Tout le monde le sait. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Tu crois que si on arrête la grève, ça changera quelque chose? Je ne crois pas. Ils ont décidé de fermer les usines, ils le feront. Il paraît qu'on va avoir des indemnités, peut-être 20 000 euros. Qui t'a dit ça? Je l'ai lu dans le journal. Et tu le crois? Je ne sais pas. Eh ben moi, si je reçois 20 000 euros, je vais m'acheter une voiture et je vais devenir chauffeur de taxi.